Les petites histoires de Tell Me. La baguette magique. Un dimanche matin, dans une chambre baignée de lumière, un garçon est perché sur une petite chaise, la langue tirée juste ce qu'il faut pour se concentrer. Ce jeune homme en pyjama s'appelle Martin. Il a 6 ans et demi et apporte la dernière touche à sa plus grande et plus belle création de Lego, la tour Grandido. Une silhouette apparaît dans l'encadrement de la porte. C'est son père. Un air grave se dessine derrière sa grosse barbe touffue. « Fils, j'ai une mission très importante. Es-tu prêt ?» Martin sursaute. Sa chaise tangue. Paniqué, il fait valser les briques qu'il avait dans les mains puis se met au garde-à-vous, plus droit qu'un i. Il ne sait pas trop s'il est prêt. L'émotion le rend muet, alors en se mordillant les lèvres, il fait un gros oui de la tête qui manque de le faire basculer en avant. Son père laisse échapper un petit sourire avant de redevenir sérieux. « Nous n'avons pas de pain ce matin !» Il lui tend une pièce de 2 €. Martin la saisit comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. « Toi seul peux nous sauver. Rapporte-nous une baguette bien croustillante. »« Tout seul ?»« Oui. » Il n'en croit pas ses oreilles. Est-ce que ça veut dire qu'il est grand maintenant ? Sans doute. Après tout, il est en CE1. « Avec la monnaie, tu pourras t'acheter les bonbons que tu veux !» Martin explose de joie, bondit de sa chaise et se précipite hors de sa chambre. Son père le retient en lui ébouriffant les cheveux de sa grosse main. « Pas si vite ! Tu ne vas quand même pas sortir en pyjama !» Jamais Martin ne s'est habillé aussi vite de sa vie. Il dévale les 5 étages en faisant tellement de bruit qu'en comparaison, un hippopotame aurait l'air d'une plume. Dehors, le soleil l'éblouit alors qu'il n'a pas encore eu le temps de réchauffer l'ambiance. Un petit frisson le parcourt. 42 pas le séparent de la boulangerie. Il fixe sa destination, inspire profondément et part en mode hyper vitesse. Une fraction de plusieurs secondes plus tard, il est devant la porte. 10 personnes se pressent à l'intérieur. En prenant soin de demander pardon, il se faufile vers le présentoir à bonbons. Ses préférés sont là, les crocodiles. Ils sont à 10 centimes l'unité. Comme la baguette coûte 90 centimes, il lui restera 1,10 €, soit 11 crocos. Heureux comme jamais, il saisit un sachet, récolte sa prime de mission et retourne faire la queue. « Et pour vous, jeune homme ?»« Oh là là, jeune homme, c'est un signe, il est vraiment grand. »« Une baguette bien croustillante et puis ses bonbons, s'il vous plaît. » Plein de fierté, il dépose le sachet sur le comptoir. « 2 €, s'il vous plaît. » Mission accomplie. La baguette dans une main, les crocodiles dans l'autre, il sort. Quelle sera sa prochaine mission ? Aller chez le primeur ? C'est quand même à 100 mètres. Hein. Une légère brume verdâtre qui sent le vieux slip le coupe dans sa réflexion. Dans la rue, c'est la panique. Les gens gesticulent dans tous les sens, les bras levés. Les voitures partent en trombe. Les portes des magasins claquent. Martin se retrouve seul. Soudain, une plaque d'égout saute comme un bouchon de champagne. L'instant d'après, un monstre moche sort mollement. C'est une sorte de boule de gelée verte avec des morceaux de fruits qui flottent à l'intérieur. Son bras gauche traîne par terre des gros doigts boudinés. À droite, il tient un petit bouclier. Il bâille et laisse apparaître quelques dents marronnasses réparties n'importe comment dans sa bouche. « Bonbon !» La baguette brille intensément et se transforme en épée. Si Martin en est tout retourné, le monstre ne semble pas du tout impressionné. Il s'intéresse à un panneau de sens interdit. « Bonbon !» Il arrache cette grande sucette et la goûte d'un coup de langue intrigué. La surprise et la déception lui tirent une grimace dégoûtée. Il l'envoie valser sur une pauvre voiture qui n'avait rien demandé. Une poubelle lui redonne le sourire. Aussitôt gobé, aussitôt craché, elle atterrit dans une malheureuse vitrine. « Pas bonbon !» Martin ne peut pas rester à rien faire. Il faut renvoyer cette chose d'où elle vient avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Poussant un cri qui donne du courage, il empoigne son épée à 2 mains et se jette dessus. Le coup rebondit sur le corps gélatineux. Le monstre fixe son assaillant, étonné. Le garçon n'hésite pas un instant et lui porte une nouvelle estocade, stoppée net par le bouclier. « Méchant !» grommelle-t-il en fronçant les sourcils avant d'abattre son gros poing sur Martin qui l'évite grâce à un bond prodigieux. Ils se jaugent en silence. Le monstre est tout fripé de colère, Martin tout tendu, ses mains crispées sur la poignée de son épée. Et puis, le tas de gelée s'illumine. Il pointe un gros doigt vers le garçon. « Bonbon !» Martin regarde autour de lui, puis par terre. « Ces crocodiles ! Il a dû les lâcher sans s'en rendre compte. C'est ce que veut le tas de gelée ? Mais oui, c'est pour ça qu'il dit « bonbon » à tout bout de champ. » Sans perdre une seconde, Martin ramasse le sac et le jette vers le monstre qui l'avale aussi sec pour mieux le recracher l'air terriblement triste. « Pas bonbon !» Pourtant, ce sont des bonbons, non ? Ils sont dans un sac ! Peut-être qu'il ne peut pas le digérer. Il saisit le sac plein de bave et l'ouvre pour prendre les crocodiles tout gluants. À peine lancés, ils sont dévorés en un instant. Le monstre laisse échapper un petit rot et un sourire béat. Il cligne des yeux en direction de Martin, puis retourne dans les égouts. La brume verdâtre disparaît avec l'odeur de vieux slip. La vie de la rue explose aux oreilles de Martin qui, de surprise, laisse échapper son épée, redevenue baguette. « Alors, fils, comment s'est passée ta mission ?» C'est son père qui l'interpelle par la fenêtre. « Trop bien, papa! Tu ne vas jamais me croire !» C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Mathieu Jonnel et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur tellming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.